par-dessus la tête, des plateaux par-dessus la tête, et tout autour des miroirs où reflétaient les mines vieilles, et plaques d'étain où se déteint avec le temps l'imagerie des meilleurs crus, des terres de haine et de Flandre occidentale, et par-delà des polders jusque dans les fagnes, encore la mer à boire et dans sa mousse, l'écume des jours. D'abord au pas, bientôt trop, et déjà le galop, d'un vers à l'autre, la poésie de ces conteurs de malheur. Et puis l'autre au rythme de l'alexandrin. Le verre passe et dans la pomme vieillit très basse. Quand on cueille le jour pour le mordre à pleines dents, tant qu'on en a, parce qu'on galope déjà le troisième âge. Le voilà. De fleurie à flétrie, il n'y a qu'un pas. Les aînés bientôt ce seront eux, si Dieu le veut et les préserve jusque-là. Qui prendra soin d'eux, eux qui ont